messed up. It's been my story, it's never switched up. And I never kissed up, so f*** the world, and I got my try to say I'm too wild. Did my own thing, so f*** the cool crowd. Late nights with the music too loud. I made it this far, and I'm honestly too proud. So if you don't like me, cause I'm an out, I might be. I was raised in a land of hyphy. The world look different as far as I see. I'm doing me, don't mind me. Only one time I'ma tell you kindly. Please fuck off, I don't need you by me. But if you search, then you know where to find me. Don't wanna hang around the in crowd. The cool kids aren't cool to me. They're not. Du boulot. Les enfants hurlent à l'arrière de la voiture. Vous êtes bloqué dans les embouteillages. Pas de panique. Branchez-vous sur Fun Radio. Fun. L'Happy Hour avec Audrey. Ça commence maintenant sur Fun Radio. Bah évidemment, pas de panique. C'est une blague ou quoi? C'est la fin de la semaine. Ouais. Et on ça, c'est méga cool quoi. Et n'empêche, blague à part, c'est notre dernière émission en direct de la Belgique, les gars. Ah bon? Comment ouais. Ça le fait de ah bah dire ça, eh ben non, mais en fait, en gros, la semaine prochaine, on sera en déloc depuis le club Bellambra de Seignos. Et bah du coup, c'est vraiment notre dernière émission ici parce que. Excusez-moi, après, c'est où Seignos? Bah c'est près de Biarritz. Ah, voilà. C'est en France. Je vois toujours pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est bien. C'est là où il y a les surfeurs et soleil, tout. Soleil, plage, surfeuse. Cool. Ah bah, on n'a pas pris un seul jour de vacances là pendant l'année, donc c'est vrai qu'on s'est pris une petite semaine avec l'équipe, mais on emmène avec nous des auditeurs. Voilà, on fait profiter tout le monde ici, hein. Donc que voilà. Des auditeurs, on prend pas une auditrice ou deux? Ah bah je pense que c'est des auditrices. Je pense que c'est des demoiselles. Ça va faire plaisir à femme, tout ça. Ça va faire plaisir à tout le monde, je pense. Tu non mais moi franchement ça me rend triste quand je vois que ça commence à diminuer comme ça, tu vois? Parce que genre après c'est fini, hein. Comment ça c'est les vacances, on n'est plus là quoi, c'est terminé, hein. Après on a droit des vacances? Ah bah oui, juillet et août, on nous a forcé. Genre je voulais rester, on m'a fait bah non, tu te barres. Ah bah d'accord, ok. Madame est trop gentille. Merci. Merci madame pour les vacances. Merci, je vous remercie. Non mais honnêtement, ça nous fait du bien de plus voir Fab. Oh, quel bonheur. C'est pas gentil. Bon, et vous de l'autre côté de la radio, j'espère que ça se passe bien. Que vous aussi, vous allez avoir droit à quelques jours de vacances. C'est bientôt le mois de juillet. Courage en tout cas à tous ceux qui bossent. Tout à l'heure dans l'émission, il y aura du cadeau à choper avec l'Alcatel Pop 4. C'est les derniers qu'on a. Après, il n'y en a plus. C'est fini. Faudra pas insister. Par contre, on va se faire un baby blind pour commencer l'émission avec du pack Fun à choper. Donc, si vous voulez venir jouer avec nous, eh ben, restez bien là. On se fait ça juste après les infos sur Fun. Fun Radio. Il est 17h, bienvenue sur Fun Radio. C'est le son de Face et Afrojack que je vous ai calé. On va se faire aussi souffle avec Mi Amor. Ça arrive juste après les infos avec Carlo Morello. Salut Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Rendez-vous en terre inconnue. Après ce qui s'est passé hier au Royaume-Uni, je crois qu'on peut paraphraser ce titre d'une célèbre émission de télé, hein, vu que les conséquences du Brexit sont sans doute importantes, variées et pour certaines imprévisibles. Contrairement aux attentes et aux espoirs des marchés financiers pour ne citer que, les Britanniques se sont donc prononcés en faveur d'une sortie de leur pays de l'Union Européenne. Une grande première qui constitue évidemment un séisme dans l'Europe, et pas seulement elle d'ailleurs, aura du mal à se remettre. Le grand responsable de cette catastrophe s'appelle David Cameron, puisque c'est le Premier ministre britannique qui avait promis ce vote lors de sa campagne électorale de 2015. À l'époque, ça lui avait sans doute permis d'être réélu, mais aujourd'hui, ça lui coûte sa carrière politique, hein, vu qu'après un tel camouflet, il n'a pas d'autre choix que de démissionner, ce qu'il fera dans les 3 mois. Le retrait du Royaume-Uni ne se fera pas du jour au lendemain, hein. Faudra le négocier pendant au moins 2 ans, mais les conséquences à court terme se font déjà sentir, avec un vendredi noir sur les marchés boursiers, des bourses qui plongent parfois de plus de 10%, une chute du cours du pétrole, une forte hausse de l'or, hein, la fameuse valeur refuge quand tout va mal. La livre sterling a atteint son plus bas niveau depuis plus de 30 ans, et selon certains experts, les conséquences du Brexit seront pires que celles de la crise financière de 2008. D'ailleurs, les valeurs bancaires sont les plus touchées par le crash de ce vendredi. Et là, il va être difficile au pouvoir public de refaire le coup d'il y a 8 ans et de sauver le secteur bancaire à coups de centaines de milliards. Mais il n'y a pas que les conséquences financières du Brexit qui ont de quoi faire peur. Il y a l'aspect politique également. Quid de l'avenir de l'Europe ? Difficile à dire, d'autant qu'un peu partout, les partis populistes ou d'extrême droite s'engouffrent dans la brèche ou dans la boîte de Pandore pour réclamer d'autres référendums analogues à celui qui risque de plonger la planète dans le chaos pendant un bon moment. Et au niveau strictement british, ça risque de bouger pas mal aussi, vu que les Écossais et les Nord-Irlandais, eux, se sont massivement prononcés contre ce Brexit, même que du coup, des voix s'élèvent pour réclamer un référendum, mais pour quitter le Royaume-Uni. Enfin, certains dirigeants européens s'efforcent de rester optimistes malgré tout, comme notre Premier ministre Charles Michel, qui vient de lancer un appel pour la tenue rapide d'un conclave destiné à faire rebondir le projet européen. L'autre grosse info du jour ne concerne que la Belgique, avec une nouvelle grève générale à l'appel de la FGTB, toujours pour dire non aux mesures d'économie décidées par le gouvernement Michel. Une grève qui a concerné le public comme le privé. Ça veut notamment dire de grosses perturbations dans les transports publics. À Bruxelles, par exemple, la STIB est complètement à l'arrêt. Pour ce qui est des trains, ça roule difficilement et toutes les régions du pays sont concernées. La distribution du courrier a été perturbée également et des piquets de grève ont été installés devant plusieurs entreprises wallonnes. Je vais évidemment pas rentrer dans le détail, mais ça a notamment concerné Walibi. C'est-à-dire bientôt les vacances d'été, on en sera quitte avec les mouvements sociaux, au moins jusqu'à la rentrée de septembre. Fun. Fun Radio. Faire la crêpe ou manger des crêpes. Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Dans un instant, on va sur le Baby Blind, là dans l'émission. Vous le savez, c'est un nouveau jeu. En gros, il y a des enfants qui ont mis un casque sur les oreilles et ils chantent ce qu'ils entendent. On se fait ça juste après la météo, Carlo ? Une vingtaine de degrés ce week-end, pas plus. Quelque part, c'est pas plus mal. On va pouvoir respirer normalement. Demain, le temps devrait être relativement agréable. Retour de la pluie dimanche. Retour des infos, ça c'est dans une heure. Je vous laisse en compagnie d'Audrey. Et du son de fée, c'est d'Afrojack. Salut. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Ah là, c'est énorme. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Fun. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Yeah. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Your face telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone. Do you think can you live like you want? I know when you're gone. You're just looking for a little sign of love. I said, would you come with me? I say, hey, hey, hey, hey, hey. Would you stay with me? I say, hey, hey, hey, hey. I said, hey, would you come with me? I say, hey, hey, hey. Avec Mi Amore qui arrive. Il y aura aussi Showtech dans un instant. On va se remettre Gims avec Zoom Zoom. Ça arrivera juste après le Baby Blind sur Fun. Le Baby Blind sur Fun Radio. Bah ouais, c'est la fin de la semaine. Du coup, on se dit ok, on se fait un petit kiff quoi. On se prend pas la tête. Voilà. On va commencer l'émission avec un jeu. Et puis, comme ça, vous aussi de l'autre côté de la radio, bah, ça va vous permettre de repartir avec un pack fun. Alors, le principe du Baby Blind, peut-être que vous l'avez jamais entendu si c'est la première fois que vous écoutez Fun Radio. En gros, il y a des enfants qui sont venus dans le studio de Fun. On les a invités, on leur a mis un petit casque sur les oreilles. Et puis, on leur a diffusé une chanson. Et là, le but du jeu, bah, c'est qu'ils essayaient de chanter ce qu'ils entendent. Alors, c'est pas gagné. C'est pas toujours gagné. J'avoue que c'est ça qui fait que le truc est un peu compliqué, mais si vous avez une idée de la bonne réponse, je vous file un pack fun. Il faut me dire soit bah, l'artiste qui chante ça. Ah bah non, parce que ça peut pas en fait. Parce que pourquoi? Je connais la réponse, c'est pas un artiste. Ah, c'est un film. C'est un dessin animé. Voilà. Dessin animé. Donc si vous me trouvez d'accord. Le nom du dessin animé, vous repartez avec un pack fun. Vous envoyez votre réponse au 3044. T'es ton ami. Y a pas de mots. Ah mais si, écoutez. Je suis ton ami. Alors, je suis ton ami. Pas moi, j'adore, je te connais pas. Je vois l'équipe qui me regarde avec la bouche ouverte. Genre, vous avez aucune idée? Mais ça me dit rien. Mais oui, c'est un dessin animé. Question, c'est un Disney? Je ne répondrai pas à cette question. Dites-moi des propositions et je vous dirai si c'est ça ou pas. Fab. Je suis ton ami, truc avec Balou là. Balou, c'est le livre de la jungle. Oui, ça. Le livre de la jungle, j'ai fait un accent bizarre, mais c'est pas ça, non, c'est pas le livre de la jungle. C'est pas genre Aladdin, tu vois, avec le prince Ali. Je suis c'est ton ami. Non, c'est pas non. Ça, non, mais non. Bien tenté quand. Eh, hey, le Sandro, il s'améliore. Hein, le kéké du standard, il a une idée ou alors non. Moi, je penserais plutôt à Bambi, avec Pampan, tu vois, l'ami Bambi. Bambi ouais. Mais Bambi, elle meurt, comment elle peut être son ami? Mais... Oh là là, comment mais ça pas... Mais Bambi, il meurt pas, qu'est-ce que tu racontes? C'est sa maman qui meurt, c'est sa maman. Comment ça? Ta maman. Il meurt pas à la fin, Bambi. Mais non, il meurt pas, Bambi. Il termine pas. J'ai peur. Mais non, bah arrête un peu, tu vas traumatiser les enfants qui écoutent l'émission, c'est une vanne ou quoi? Bon, du coup, c'est pas Bambi, c'est pas le livre de la jungle, ce n'est pas non plus Aladdin. On le réécoute une dernière fois et vous m'envoyez votre réponse au 3044. Attention, est-ce que quelqu'un va trouver? On va le savoir. T'es ton ami. Après, il y a des enfants qui sont beaucoup plus doués pour faire des vêtements chez H&M que pour chanter. Hein. Franchement, il y a de l'idée. Après, il essaye le petit bout, c'est tout mignon. Et puis, de toute façon, les enfants, on leur pardonne tout. Voilà. Souvent, même quand ils disent un truc, genre, tu sais, la vérité en pleine face, ouais. Oh, c'est pas grave, il est mignon. Ouais, bah, voilà. Et bah, c'est pareil quand ils chantent. Si vous avez une idée de la réponse à ce Baby Blind, vous envoyez votre message au 3044. Et là, c'est Souf qui arrive. Mi Amor sur Fun Radio, bougez pas. Fais ces gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie. J'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme. Des erreurs, j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille. Et dans la nuit, je vois que tu souris. Je t'en prie, tu as le plus beau des chats. Mi amor, favor, mi amor.

Et je sais que vous le kiffez celui-là, ce nouveau Maître Gims que je vous ai calé pour la suite du son Dance Floor avec Zoom Zoom. Il y a aussi Clean Bandit, c'est son tout nouveau titre qui arrive, c'est Tears, juste après le Baby Blind. On va voir si quelqu'un a trouvé la bonne réponse. Le Baby Blind sur Fun Radio. Bon, alors, je vois plein de mauvaises réponses qui sont arrivées au 3044. Visiblement, c'est pas si facile à trouver que ça. On cherchait un dessin animé Disney. On le cherche toujours d'ailleurs parce que personne n'a trouvé la bonne réponse. On peut le réécouter, Sandro, pour voir. Écoutez, si vous avez la bonne réponse, vous me l'envoyez au 3044. C'est un truc d'ami, quoi. Suis ton mais oui, ami. C'est pas Peter Pan, mais c'est un dessin animé Disney super connu, quoi. Et genre, il a des amis, mais alors, dans quel dessin animé? On va voir si Jean, qui vient de Bruxelles, a trouvé la bonne réponse. Salut Jean, ça va bien? Ça va bien, et vous? Bah ouais, super, qu'est-ce que tu fais de beau? Oh, je suis avec des amis chez moi. Eh ben, on a la belle vie, hein, le genre. Lors de l'apéro, là. Eh ben voilà, on voit que c'est le week-end, on en profite, hein, t'as bien raison. Bon, alors, Jean, on est à la recherche du Baby Blind. Est-ce que tu as une petite idée de la réponse? Moi, j'aurais dit que c'était le Roi Lion. Le Roi Lion. Toi, t'aurais dit. Eh ben, t'aurais mieux fait de rien dire, je crois. Oh. Non, tu te la pètes. En plus de ça, tu dis ça, mais tu ne sais même pas non, la mais réponse. J'ai vu ta tête. Ah, et okay. Ta tête, elle indiquait, ah, ce n'est pas la bonne réponse. Ouais. Ben, Jean, je suis désolée, c'est vrai, c'est pas du tout le Roi Lion. Eh, mais bien tenté quand même, parce que le Roi Lion, il a pas d'amis de toute façon. Si non, c'est ça, il n'y a pas d'amis, non? Non, attends, qui est son ami? Père, après, on veut le tuer tout de suite. Ah, film. Si, il y a. Il y a toute la famille des lions, non? Non. J'ai jamais vu ça. Il y a Timon et Pumba. Ah, voilà, Timon. Ah, oui, c'est vrai. Ah, bah ouais. Elle est bien, depuis quand c'est moi qui vous sauve en Disney, là? Ah, c'est vrai, c'est bizarre ça. Donc, mais du coup, Jean, c'est pas la bonne réponse. Tu retentes ta chance. Donc, ce n'est pas du tout Peter Pan. Ce n'est pas le livre de la jungle. Qu'est-ce qu'on m'a dit tout à l'heure? C'est pas la petite sirène que je vois arriver là au 3044. C'est pas du tout ça. C'est. Donne un indice. Ok. Alors, comment il s'énerve? C'est genre, mais donne un indice. Mais non, mais ça m'énerve de pas savoir. Ok, ça va, calme-toi, Fab. C'est la fin de la semaine, tu vas nous stresser. Bon, alors, je vous donne un indice, mais c'est un indice de ouf. Hein. Genre, après ça, si vous trouvez pas, je peux plus rien faire pour vous. Attention. Je suis sûr qu'on va même pas trouver. Mais si, vous allez voir. L'indice, c'est celui-ci. J'ai l'impression d'être Perfoura dans. Tu vois? Parle. Ouais, ok, ça va. L'indice est. Jouet. Quoi? Jouet. Jouet. Un jouet. Jouet. Les jouets. Il y a des jouets dans le truc. C'est ça ton indice. Il y a des jouets dans le dessin animé. je me sens un peu seule quand même. Mais il y a des jouets dans tous les dessins animés, c'est des dessins animés. Ouais, mais là, disons que c'est un Disney. Ok, je donne un indice en plus. Allez. Je me fais vraiment avoir, moi. Allez, le perforant. J'aurais pas pu être vendeuse, hein. Sérieusement, je me serais fait arnaquer. Donc, alors. Non, je J'essaie de faire la voix du perforant. Alors, les enfants, attention. Ça fait peur quand même. Hein. Le premier indice est Disney. D'accord. Mauvaise. Et le deuxième indice. Non, il dit. Et son second. Je vais me la faire s'il termine pas sa phrase. Et le deuxième indice. C'est joué, tu l'as dit. Le troisième. Vous voulez un deuxième, un troisième indice? À tout moment, on va perdre Audrey. Hein. Alors, le troisième indice est. Faut que j'en trouve un. Faut que j'en trouve un, c'est pas un indice. Ah, je sais. Quoi? Extraterrestre. Non, ça marche pas. Je sais. Bonhomme de l'espace. Bonhomme de l'espace. Et peut-être que Kéké du standard peut faire la voix du bonhomme de l'espace. Vas-y, Kéké, c'est à toi. Salutations, je suis. Non. Ah, le truc qui fait tout le temps. Voilà. Ouais. Ça fait tilt, on y est. Moi, j'ai tout donné. Hein. J'ai plus de voix, laissez tomber. Vous m'envoyez votre réponse au 3044. Je vous laisse le temps de l'envoyer pendant le son de Maître Gims avec Zoom Zoom. Bonne chance, tout le monde. Tous les week-ends, 7h, 10h. Réveillez-vous avec Bruno dans la radio sur Fun Radio. Manu, 22 ans à Valette dans le 44. Bonjour Manu. Salut toute l'équipe. T'habites dans la ville de naissance de Christina. C'est ça, j'habite juste à côté. Ouais. Ah, Valette. Valette, la capitale du Muscadet. Valette, comme Christina, les femmes n'ont pas de chance. Excusez-moi. Le week-end, 7h-10h, c'est Bruno qui vous sort du lit sur Fun Radio. Quick! Oh, tu sais ce qu'il y a de nouveau chez Quick? Non. Un indice, ils sont bons et bien roulés. Déroulés. Ouais, enfin on dit des wraps. Ah oui, des wraps. Alors, il y en a un grand, poulet pané et cheddar sauce Giant. Ah, Giant comme le burger? Oui. Oh. Et un petit wrap sauce tomato sweet onion. On peut prendre les deux? Gourmande. Quick, le goût d'en faire plus. Quick! Et vous, vous faites quoi ce week-end? Nous, on est en vacances, alors on fait la fête!

all that remains fills me with doubt, and I'm shouting your name out loud. Why do you wanna put me through the pain? I get the feeling I'll never escape. I get hide away from the shame of you. Passez avec nous sur Fun Radio. Dans un instant, on va se faire le son de Major Lazer avec All My Love. Ça arrivera juste après le trafic maintenant dans l'Happy Hour. L'info trafic dans l'Happy Hour. Ce sont de vraies infos, mais c'est pas un vrai commandant. Et ouais, ça se saurait, hein, parce que franchement, ça fait quand même un an qu'on doit scoltiner un commandant en bois, quoi. Comment ça va? Il n'y a pas d'info trafic aujourd'hui. Ah, comment ça, il n'y a pas d'info trafic? Pas d'info trafic. Non, mais parce qu'aujourd'hui, c'est la grève et du coup, monsieur fait grève, c'est ça? On n'est pas d'accord. Avec quoi? Je sais pas, mais je suis les collègues. D'accord. Je suis pas d'accord avec, comme tout le monde. Non, mais ça, c'est chiant, quoi. D'accord, ok, je comprends les gens qui font la grève. Mais par contre, pour tous les autres, qu'est-ce que c'est, casse-bonbon? Oui, et bon courage d'ailleurs si vous êtes en mode galère avec le train, le bus. Enfin, genre, il y a que de la galère aujourd'hui, c'est vraiment ça. Ah oui, ils ont mis un beau bordel. Hein. Ah, ouais. Il y a pas de train, il y a pas de bus, il y a pas de tram, il y a presque pas de métro. Donc, toi, tu es bloqué dans ton automobile et tu vois les grévistes près de l'autoroute qui font un barbecue et qui boivent les petites chopes. C'est pas très gay. Hein. Ils ont dit, oui, trouver un autre moyen de venir travailler. Bah comment? Mais c'est rigolo. Ça, ils sont en voiture. Donc du coup, ça fait des fils. Il y a des fils partout dans Bruxelles. Mais déjà, en plus, c'est... déjà, il faut en avoir une de voiture. Ils sont gentils, oui, mais oui. Tout le monde n'en a pas une, hein, d'accord? Aujourd'hui, Bruxelles est plus bouchée que les artères de maquis de bloc. Oh non. C'est un truc de dingue. Et alors, tu t'es dit, il y a grève, je ne vais pas travailler, je vais aller faire un tour à Walibi. Eh ben, well, non, il y a un piquet de grève devant Walibi. Les gens, ils peuvent pas rentrer. Bon, non, ça va pas. On est tolérant, d'accord, pour le reste, mais alors, bloquer Walibi, ça, c'est vraiment Je cool, propose, hein. Je vais aller débloquer devant Walibi. Ouais. Ça, tout à l'heure, on va faire les petits. À Walibi quand c'est fini. Parfait. Et on va bien non, mais rien que l'idée de vous voir en bikini, moi, ça peut me chauffer. Hein, moi, je mets un maillot, je mets pas de bikini. Ouais, une combinaison de plongée et tout. Non, un maillot. Un maillot, c'est un maillot. Un mood beat, comme on dit. S'il vous plaît. Je suis parti. Et ben, ça, c'est fait. D'ailleurs, si vous êtes sur la route et que vous galérez, parce qu'a priori, tout le monde galère aujourd'hui, vous n'hésitez pas, hein, vous nous envoyez un message au 3044, comme ça, on prévient les autres aussi. D'ailleurs, je vois vos messages qui arrivent là pour le baby blind. Je peux vous dire que vous êtes toujours pas dans le bon, vous avez toujours pas trouvé la bonne réponse. On est à la recherche d'un dessin animé Disney. Non, c'est bon, j'arrête de faire la voix de Perfora, c'est nul. Donc on est à la recherche d'un dessin animé Disney où il y a des jouets dedans. Je vous ai dit qu'il y avait un monsieur de l'espace avec Kéké qui fait une imitation parfaite. Attention. Ouais. Salutations. Ouais. Et voilà. Il y a pas dedans un truc où ils font comme ça. Oh, un visiteur. Venu d'ailleurs. Oui, oui. C'est, oui. Ouais, c'est ça. Voilà, il est tout content parce qu'il connaît un truc de Disney pour une fois. Eh ben ouais. C'est tout mignon, tout plein. Il y a Julie qui nous dit au 3044, c'est les Aristochats. Non, c'est pas ça, Mickaël. Les Aristochats. En plus, il n'y a aucune référence, il n'y a pas de jouets dans les Aristochats. Bah non. Je sais pas pourquoi vous dites ça. Il y a Mickaël qui propose Merlin l'Enchanteur. Non, c'est pas Merlin l'Enchanteur. Justine qui dit Peter Pan. Bah non, parce que Sandro, il l'a proposé. Non, c'est plus récent. Et alors quoi? Basile, détective privé, c'est quoi ça? Basile, détective privé. C'est avec la souris, là. Hein, une souris blanche. Ah ouais? Il y a eu ça? Ça me dit quelque chose. Wow, mais... un Disney que je connais pas. Mais c'est vieux, hein. Ah ouais? Ah, c'est pour ça. Ouais. Bon, allez, je vous laisse une dernière chance de pouvoir vous inscrire, de me retrouver la bonne réponse au Baby Blind. On le réécoute ou alors j'ai donné assez d'indices? Bon, je pense que t'as donné assez d'indices, mais on va quand même le réécouter. Ah d'accord, allez, ouais, c'est parti. T'es toi, t'es

sur Fun Radio. On est avec vous jusqu'à 20h. Et ouais, même le vendredi, on est là. Il y aura le son dans un instant de Cachemire avec Wildcard. Mais juste avant, on va accueillir. Attention, je n'ai jamais entendu ce prénom tellement il est original. Elisabeth. Elisabella. Wow. Non, c'est pas original, c'est une faute d'orthographe. Mais non, rien à voir. Elisabella qui vient de Tubize. Bonjour, ça va? Lève un petit doigt, vas-y. Lève les mains en l'air. Ouais. Parce que là, le réseau, c'est pas gagné. Pourtant, elle vient pas de bien loin, hein, Tubize. C'est pas bien loin, ça. Si, Tubize, c'est Bruxelles. Pas Bruxelles. Bon, t'exagères, c'est 40 minutes. Ah ouais? Genre, le gars, il est spécialiste de la géographie, quoi. Ah, oh, écoutez, vous arrêtez, on va pas s'engueuler pour ça. Si tu prends pas la route où il y a le rond-point, tu tournes à gauche à la boulangerie, t'arrives à la boucherie, tu remontes. Tu m'énerves pas. Bon, Elisabella, ça va? Ah ben on l'entend pas. Ouais, c'est ça, donc reste à Tubize. Lève un peu tes deux petits doigts une fois, ça va peut-être aller mieux, hein, dis. Allo, allo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Elisabella. Une fois. Deux fois. Elisabella, deux fois. Ah, y a pas trois près. Elisabella, trois fois. Allo? Ah ben non. Bon, eh ben, vous savez quoi, on va se faire le son de Cachemire là maintenant sur Fun Radio. On va essayer de reprendre Elisabella qui est à Tubize une fois. Et on va voir si à un moment donné quelqu'un va nous répondre. Bon alors, on nous a proposé quoi tout à l'heure au niveau des réponses du Baby Blind? On nous a dit Peter Pan, c'est pas ça. On nous a dit Blanche-Neige, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas les Aristochats. Et ce n'est pas non plus Toys. Parce qu'il manque quelque chose. Vous y êtes presque, sérieusement. Un petit mot. Et c'est histoire en anglais. Vous traduisez, bam, vous avez la bonne réponse. Vous l'envoyez au 3044. Et pendant ce temps-là, on se fait Cachemire sur Fun. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin, wanna take a roll. You know you're dealing with the wild card. If you go all in, I'll make your troubles fall. Might take your diamonds, but I'll steal your heart. Avec les meilleurs DJ au monde. Ils sont belges. Et ouais, et on en est fiers sur Fun Radio. Je vous ai calé Dimitri Vegas et Like Mike avec Arcade. Ça arrivera juste après l'horoscope. Maintenant, c'est parti. L'horoscope. L'horoscope. Sur Fun Radio. Ouais, et celui-là, je sais que vous le kiffez aussi. Je vous ai calé le nouveau soprano avec le Diable s'habille plus en Prada. Oh, oh, oh. Ok, je vois qu'en fait il y a que moi qui le connais celui-là. Hein. Mais moi je connais même pas. Non, en fait. Tu le fais bien. Allez, tu le fais bien. Tu quoi, fais soprano bien. Les gars, t'as pas un hook de soprano Mais si, un j'ai petit extrait. Tout ce que tu veux. Allez, fais péter. Oh là là, ça tue. Je kiffe ce son. Ça arrivera dans quelques petites minutes. Mais d'abord, on va vous dire s'il serait pas temps quand même de passer un peu chez le coiffeur. Genre, il faudrait faire une nouvelle coupe, quoi. Ouais, merci les gars. Faut pas déconner. Merci de me viser. En bon, t'as pas assez de cheveux, toi. Laisse tomber. Pardon. Bon non, c'est bon. T'as un trou déjà. Qu'est-ce que c'est que oui, ça. Oui, c'est vrai. J'ai un trou. Il faut savoir que Sandro a un trou. Genre, il y a pas de cheveux. En fait, j'ai deux métiers. Je suis animateur radio et je suis pape le week-end. Ouais, enfin, curé ça. Plutôt. Ouais, bah ça se saurait ça. Bon, allez, c'est parti les béliers. Votre coupe de cheveux est tellement moche que même Fellaini se moque de vous. Ça c'est pas possible. Ah non, franchement, faire pire que Fellaini, ça c'est non, franchement, attends, s'il te plaît, laisse tomber. Les taureaux. Si vous n'avez pas chez le coiffeur pour une coupe, faites-le au moins pour les laver, quoi. Oh non, ah, les coiffeuses, elles peuvent avoir de ces trucs dégueux. Les gémeaux. Vos cheveux sont tellement gras qu'on pourrait cuire des frites dedans. Cancer. Vous chez le coiffeur, mais pour aller chez le coiffeur, on vous rappelle qu'il faut des cheveux déjà. Et ouais, c'est mieux. Hein, fab, n'est-ce pas. Oui, je sais. Les lions. Vos cheveux sont un peu comme un zoo. Quand on passe ses doigts dedans, on retrouve plein de petites belles. Balance. Vous mettez tellement de lac dans vos cheveux que de loin on dirait un Playmobil. Scorpion. Le pire c'est que vous y allez chez le coiffeur, vous y passez deux heures et quand vous sortez de là, on dirait que vous venez de vous lever en fait. Enfin. Spéciale dédicace à toi Audrey. Mais rien à voir. Chaque fois que tu rentres de chez le coiffeur, tu nous fais mais vous avez pas remarqué que j'étais chez le coiffeur. Alors, ça, on remarque jamais. Je suis désolée mais ça c'est un concept purement masculin. Vous ne remarquez pas la nuance, c'est ça. La nuance. C'est-à-dire que par exemple moi je suis blonde mais il y a des nuances de blond et parfois nous les filles on fait une nuance un peu au-dessus, un peu en dessous et les garçons vous remarquez jamais. Non. On passe 5 heures chez ce putain de coiffeur. Les meufs rentrent chez le coiffeur, elles passent 5 heures, elles ressortent, elles ont la même tête mais que quand elles sont rentrées. Mais ça n'a rien à voir, c'est juste que vous n'êtes pas capable d'observer, tu vas m'énerver. Allez, c'est parti, on continue les sagittaires. Vos cheveux sont tellement frisés qu'un coiffeur ne vous servirait plus à rien. Allez directement chez le toiletteur. Capricorne. Votre dernière coupe de cheveux, la même que Prince, mais après son enterrement. Hein, c'est quoi la coupe de Prince? Prince. Ouais, Prince, bah, il est chanteur. Mort, il a plus de cheveux. Ah, c'est. Ah, pardon. Oh là. Ok, j'ai rien paix à son aime. Hein. Ah, laisse tomber, paix à son aime. Ouais, à son ouais, je sais quoi, vas-y, paix à son aime. Ouais. On lance un truc ici. Allez, c'est parti, les Verseaux. Les poux que vous aviez sur la tête se sont barrés, vos cheveux étaient beaucoup trop sales. Ah, vous aviez des poux, vous, quand vous étiez petit? Ah, j'en ai eu une fois, moi. Mais j'étais tellement gros que j'ai attrapé le cholestérol, mes poux. Oh, mais laisse tomber. Et moi, je me souviens, en petite, j'avais tout le temps des poux. Mais sérieux, j'avais des poux tout le temps. Et à chaque fois, mais c'est pas drôle. T'en as encore ou pas? Non, j'en ai plus, mais quand j'étais petit. C'est des morpions, mais non. Arrête. C'est dégueulasse. Ça va pas la tête, non, mais franchement. Non, attends, ils avaient même lancé, vous avez pas eu ça, le non, petit. Non, sur morpions. Et un gros pouc crevette. Un. Oh, mais vous êtes crade. Et le pire, juste avant de prendre l'émission, elle nous dit oui, au fait, je dois encore aller chez l'esthéticienne. Mais oui. Ah bah super, l'esthéticienne. On parle bonne chance. J'ai pas eu le temps de me faire épiler. Enfin, bon, bref, on vous raconte ma life. On termine avec les poissons, on va y arriver. Veux, ouais. Ouais. Vos cheveux sont tellement secs que chaque année, des cigognes viennent de faire le nid sur votre tête. Ouais, ouais. Sérieux, vous m'énervez. Non, franchement, vous m'énervez. Non, mais sérieux. Non, de beaucoup aiment crevettes, hein. T'es très bon, t'es très bon. Non, mais ils font trop les malins. Sauf que c'est la fin de la semaine, c'est quoi c'est avec Audrey à la piscine, même l'eau de la piscine sera salée. Oh, c'est dégueulasse. Allez, vas-y, balance le son Dimitri Vegas et Like Mike. Franchement, ils sont répugnants, les garçons, dans cette équipe. Allez, juste après, on va reprendre Elisabella, là, parce qu'elle avait pas de réseau, la pauvre, du côté Tubize. Et on verra si elle a trouvé la bonne réponse au Baby Blind. Et si elle répond pas, eh ben, on appelle quelqu'un d'autre, hein. Bougez pas. C'est moi, Hip. Nos diables rouges sont gonflés à bloc. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les diables rouges se qualifient pour les quarts de finale, vous gagnez aussi une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. C'est officiel, le Volkswagen Transporter est élu en 2016 meilleur utilitaire de l'année. Et pour la troisième fois déjà. C'est pas moi qui le dis, mais les journalistes de 24 pays en Europe. Mais après tout, le jury au quotidien, c'est vous, les indépendants, c'est à vous de le juger sur le terrain. Alors voilà, vous avez un transporteur start-up avec radio, airco, vitrée rétro-électrique, mais aussi un moteur à la norme Euro 6 à partir de 19 490 euros hors TVA. Venez l'essayer chez votre concessionnaire Volkswagen Utilitaire. Le vendredi 24 juin, les Coca-Cola Summer Movies sont de retour. Durant toute la journée, venez profiter entre amis des meilleurs films de l'été, de surprises et de 4 avant-premières exclusives avec notamment Camping 3 et Insaisissable 2 en avant-première événementielle un mois avant sa sortie. Vendredi 24 juin, le Coca-Cola Summer Movies dans un cinéma près de chez vous. Yo, what up? This is my station. Fun Radio. Fun Radio. The Sun Dance Floor. Up with it, girl. Rock with it, girl. See ya. Show them it, girl. Ba-da-bang-bang. Ba

va être mon moment préféré. Le nouveau Soprano, le diable s'habille plus en Prada qui arrive. Je vous ai galé aussi l'hymne officiel de l'Euro 2016 avec David Guetta sur Fun Radio. Ça arrivera juste après le Baby Blind, parce qu'on n'a toujours pas trouvé la bonne réponse. En tout cas, on n'a pas eu d'auditeur à l'antenne, puisqu'on a essayé d'avoir j'arrive pas à dire son prénom, tellement c'est pas un prénom connu, tu vois. Elisabella, n'est-ce pas, qui est avec nous, qui vient de Tubize. Elisabella, maintenant, est-ce qu'elle a du réseau? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, mais voilà, magnifique Elisabella, on a réussi à te joindre. Mais oui, j'avais des problèmes de réseau. Non, oui, mais on avait bien compris. Hein. Elisabella, ça va bien? T'es en forme? Ça va, super, la forme, et vous? Eh bah top, merci, c'est gentil de prendre des nouvelles. Bon, Elisabella, on va voir si t'as la bonne réponse au Baby Blind. Si c'est le cas, je te file un pack fun. Tu le réécoutes et puis tu me files ta réponse? Ok. Allez, c'est parti. Mais non, j'ai dit tout à l'heure que c'était un dessin animé Disney dans lequel il y avait des jouets, où il y avait un bonhomme de l'espace. Alors, Elisabella, à ton avis, quel est le dessin animé Disney qu'on cherche? Toy Story, je suis ton ami. Toy Story, elle est sûre d'elle quand même. Quoi, genre le Toy Story de cette musique là? Celui-là. Il y parle d'amis, c'est vrai. Je suis ton ami. Est-ce qu'il y a un bonhomme de l'espace dans Toy Story? Ah bah ouais. Et comment il s'appelle, le kéké? Il s'appelle Buzz l'éclair. Et bah c'est gagné, Elisabeth. Bravo Elisabella, tu repars avec ton pack fun. Ça te fait plaisir? Oui, merci beaucoup. Super. Eh ben de rien. Eh ben voilà, comme ça, facile, easy game pour terminer un la semaine. Merci à tout le monde. De rien, Elisabella, tu reviens quand tu veux dans la Power. Je te fais des gros bisous. Merci, vous aussi. Bisous, bisous. Salut, on va se faire le son de Soprano maintenant, comme promis. C'est bon, ça. Le diable s'habille plus en Prada. Wow. Ouais, enfin, ce qui est cool, c'est qu'on tente des choses dans cette émission. Mais il faudrait pas, en fait. Ouais, on va arrêter de tenter de chanter. Déjà, ça, on va mettre ça à la liste. Mais la langue est tellement lisse que, franchement, elle va jusque au sous-sol dans la cave de Fun Radio. Bon, allez, dans un instant, c'est le coup de pouce. Et d'abord, Soprano sur Fun, c'est parti. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille d'un plus généreux. Mais l'époque a changé, l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait des poches. Lui ont pris sa femme et ses forces. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Font pire que Lucifer. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Fun Radio. Il est 18h, bienvenue sur Fun Radio. Dans un instant, c'est le son de David Guetta. On va se mettre en mode Euro 2016 sur Fun Radio. Tout ça, ça arrive juste après les infos avec Carlo. Salut Carlo. Hello Audrey, salut à tous. L'info du jour, il n'est pas nécessaire de réfléchir très longtemps avant de la trouver. Hein. Et c'est une chance que l'Euro de football fasse relâche jusqu'à demain, parce qu'il aurait été un petit peu déplacé d'évoquer le ballon rond après le séisme que nous devons à nos voisins britanniques. Contrairement aux attentes et aux derniers sondages, c'est donc le camp du Brexit qu'il a emporté lors du référendum organisé hier chez nos voisins. Le Royaume-Uni va donc quitter l'Union Européenne dans les années qui viennent. Une grande première qui va nous plonger dans l'inconnu, vu les conséquences que cet événement ne manquera pas d'avoir pour l'avenir de l'Union, déjà, vu que ce qui vient de se passer ne manquera pas de donner des idées à d'autres europhobes. Et vu que les populistes ont le vent en poupe, pas seulement ceux qui s'opposent à l'Europe, bien sûr, mais il y en a quand même quelques-uns, vu qu'ils ont le vent en poupe, donc le détricotage de l'Union Européenne ne fait peut-être que commencer. Outre Quiévrin, le Front National n'a pas attendu longtemps avant d'exiger un référendum sur le Frexit. Pour ce qui est du Royaume-Uni, c'est peut-être un processus de désunion qui vient de débuter, vu que les Écossais et les Nord-Irlandais, favorables eux à l'Europe, envisagent déjà un référendum pour leur indépendance. Au niveau financier, c'est la cata aujourd'hui. Les marchés qui ne s'attendaient pas à une victoire du Brexit se sont écroulés, de même que la livre sterling, qui a atteint son plus bas niveau depuis 1985. Un séisme qui aura évidemment provoqué la chute du Premier ministre David Cameron, puisque c'est lui qui a eu l'idée saugrenue de proposer un tel référendum alors qu'il n'était pas obligé. Cameron qui abandonnera son poste dans les 3 mois, même qu'il devra sérieusement songer à sa reconversion, parce que politiquement, il est cuit. C'est donc une tempête que les Britanniques ont déclenchée hier en se prononçant en faveur du Brexit, mais c'est à de nouveaux orages que les Belges ont eu droit hier soir. Des orages qui ont fait pas mal de dégâts, une fois encore. Personne n'a été épargné, et sûrement pas les Bruxellois, vu que dans la capitale, plus de 400 interventions ont été effectuées. À différents endroits, l'eau est montée à hauteur du toit des voitures, mais des plans catastrophes ont été déclenchés dans plusieurs autres provinces, comme dans le Brabant wallon. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails, ce serait un petit peu longué et fastidieux. Mais j'ai jeté un coup d'œil sur la météo pour les prochains jours et elle s'annonce nettement plus calme. Pas forcément toujours ensoleillée, mais plus calme. Au niveau social, par contre, le calme n'est toujours pas revenu chez nous avec une nouvelle grève générale aujourd'hui à l'appel de la FGTB dans le public et dans le privé, en Flandre comme en Wallonie et à Bruxelles. Bruxelles où les transports en commun ne circulent pas. Des piquets de grève ont été installés un petit peu partout. Des perturbations, évidemment, ont des plus très forts aux patrons. Pour eux, l'objectif de cette grève a été de miser sur des dommages économiques alors que les réformes envisagées sont indispensables, disent-ils. Fun Radio. Soutenir les Belges à la piscine. Allez Kevin. Ou soutenir votre enfant au mini-club. Allez Kevin. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Il y a le coup de pouce qui va arriver dans l'émission. On aura du taf à vous proposer. Si vous êtes un peu dans la dèche, ça va vous aider. Restez bien là, on vous explique tout ça. Juste après, la météo. Carlo, c'est quoi le programme? Le programme, c'est une vingtaine de degrés ce week-end. Un temps relativement agréable demain. Ce sera un petit peu plus difficile dimanche avec le retour de quelques averses. Retour des infos, ça c'est dans une heure. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de David Guetta. Salut. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Jérémy avait fait appel à l'Happy Hour. Il lui aurait sûrement trouvé une famille. En cas de problème, un seul numéro. Celui de l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. c'est le son de Benny Benassi avec Chris Brown, Paradise. C'est ce que je vous ai calé côté son dancefloor. On va se faire aussi un petit pitbull là sur Fun. Ça arrivera juste après le coup de pouce dans l'émission. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourisque. Ah non, en fait, c'est plus eux qu'il faut appeler, ça a changé maintenant. Si tu veux des résultats, appelle la Piawa. Eh bah ouais, ça a changé, on a pris la place et du coup, on a tout sous contrôle. La situation est sous contrôle. Merci. Voilà, bah si vous avez un problème, vous appelez et bah nous, on s'occupe de tout. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Chi. D'ailleurs, on a du boulot à vous proposer aujourd'hui dans l'émission. On est très mauvais en imitation quand même. Hein. Ouais, bon, fais ce qu'on peut, d'accord, ça va. Donc, tu pourrais nous encourager un peu. Merci. C'est pas très gentil de faire ça. Hein. Bon, on a Mickey qui est là. Mickey Larson. C'est nul. Salut Mickey, ça va? Mais tu le reconnais, c'est bien. Mickey qui vient de Bruxelles et qui est à la recherche de vendeurs. Ça va Mickey? Mickey? Il a raccroché à cause de ta blague de merde. Ah Mickey, tu nous entends? Oui. Ah, ça va Mickey? Il est pas content de la vanne. Ça va, et vous mettez le mic, c'est pas Mickey. Ah bah voilà, mais donc ouais, bah aussi Kéké du standard, pourquoi tu mets qui s'appelle Mickey? Mais parce que c'était Mikey. Ah d'accord, Mikey. Tu sers à rien en fait. Ça va Mike? Ça se passe bien, désolé hein, d'avoir écorché ton prénom. En gros, le mec qui s'appelle Michel s'est passé de Mikey à Mike à Mickey. Qui est bordel ici, sérieusement. Bon, Mike, il paraît que tu es à la recherche de vendeurs, c'est ça? Vendeurs que des vendeurs, voilà, des vendeurs, voilà. Hein, explique, des vendeurs hein. Qui vendent en fait. Des vendeurs ça. Qui vendent, qu'est-ce qu'ils doivent faire, Mike? Explique-nous. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas exactement des vendeurs. En fait, c'est... On va y arriver. C'est pas son prénom, c'est pas non plus le bon poste. Il y a rien qui va en fait. Excusez-moi, mais qui êtes-vous en fait? Donc du coup, c'est des commerciaux, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Bah, mais, les commerciaux, c'est des vendeurs, hein? Bah, je sais pas. On se comprend plus, hein. Mike, c'est quoi la différence concrètement dans ta société? En fait, ici, dans ma société, on ne vient pas vendre un produit, comment je veux dire, on vient proposer à la clientèle, donc on parle du produit qu'il a déjà actuellement, donc on travaille un peu avec tous les fournisseurs, avec certains fournisseurs télécom. Ouais. Donc, c'est-à-dire télécom, énergie, etc. Et on vient proposer un produit à la clientèle qui est comparable à celui qu'il a actuellement, quoi. Okay. Ah ouais, c'est ceux qui t'appellent, quoi. Vous êtes bien chez Luminus? Eh bien, nous, on va vous vendre autre chose. Ah, ouais. C'est ça, c'est pour faire ça. C'est les témoins de Jéhovah de la vente. On t'a démasqué, Mike. Et du coup, comment ça se passe? Genre, c'est pour un contrat ou alors c'est quoi la promesse? Ici, on propose des conventions. C'est directement, en fait, il n'y a pas de contrat directement en CDI ou CDD. Ouais. On recherche des personnes qui se lanceraient avec nous en tant qu'indépendants. D'accord, ok. Eh ben, tu sais quoi, Mike, le message, il est passé. Si ça vous intéresse, eh ben, il suffit d'envoyer maintenant Job par SMS au 3044 et on vous prendra à l'antenne bah, juste après le son maintenant de Pitbull sur Fun Radio. Everybody knows this right here. Your mother, your father, your sister, your brother. Take it back, take it back, take it back, take it back, take it back, take it back. A millionaire, hey. Now your soul will get it. Hey. Azúcar y tú no se lo das. All the ladies want to the dance floor. Esa morena está sabrosa. All the ladies want to the dance floor. Ella se vuelve loca. Y cuando tú la tocas, ella se vuelve loca. Fun Radio. Le son Dance Floor. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying fire. De Fun Radio, c'était notre invité dans la Pior il y a quelques jours, Kungs avec This Girl, c'est ce qui arrive sur Fun. Mais d'abord, on va vous causer cadeau puisque bah il nous reste des Alcatel Pop 4, beau cadeau qu'on vous offre aujourd'hui. Dernier jour, au final. C'est le dernier jour de la semaine, donc qui dit dernier jour de la semaine on dit dernier péter. Cadeau. C'est terminé, on se fait plaisir. Il y a une promotion là de ouf, c'est parti. Fin de stock. Si vous voulez repartir avec votre Alcatel Pop 4, le tout nouveau téléphone de chez Alcatel, téléphone tactile avec un appareil photo ultra performant avec plein d'options sympas. Et ben c'est simple, on se prend pas la tête. Arrête de mettre les musiques du shopping. Ça me perturbe. Mais je te verrais bien là-dedans en fait. Mais je vends rien, moi j'offre, alors arrête avec tes musiques, ouais, c'est vrai. Bon, sérieusement. Qui n'a jamais raté un coup de fil parce qu'il savait pas répondre à son téléphone? Avec le téléphone Alcatel Pop

Là, qui écoute l'émission parce qu'il va y avoir Ariana Grande dans un instant avec Into You. Juste avant, elle va laisser sa place à Rehab Freak que je vous ai calé sur Fun. Et puis on a reçu des messages là au 3044. Apparemment, vous êtes intéressé par l'offre d'emploi de Mike. Mike, qui travaille chez Proximus, il a la recherche pas de vendeurs mais de commerciaux. En gros, il cherche des gens qui vont vendre des abonnements. Qui vont piquer des clients chez les autres. Et qui vont piquer des clients. Voilà, en gros, c'est ça. On a reçu plein de petits messages. Il fallait envoyer job par SMS au 3044 si ça vous intéressait. Et c'est ce qu'il a fait, Martin. Martin qui vient de Bruxelles. Ça va, Martin ? Ça va bien, et vous ? Eh bah super ! Martin, t'as déjà bossé dans la... comment on dit ? La télécom ? Ouais, c'est ça. Dit, ouais. Oui, j'ai fait mes études là-dedans. Ah ouais ? Commercial, oui. Il y a des études... Ah oui, j'allais dire, parce qu'il y a des études pour arnaqueurs. Non, je rigole. Ça va, on rigole, hein, c'est n'importe quoi. Bon, et Martin, t'es à la recherche d'un taf pour le moment ? T'es sans rien ? Oui, voilà, je suis à la recherche d'un travail, quoi. Et bon. Je suis vraiment motivé. Ça fait longtemps que tu cherches ? Oh, une bonne année. Ah ouais, non mais ça c'est la dèche totale. C'est pas facile de trouver un boulot, hein, sérieusement. À fond. Bon, bah, pas de soucis, on est là, la POR oui. est là. On s'occupe, vous inquiétez on vous pas régale. On s'occupe de tout, on essaye de vous aider en tout cas. Martin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre hors antenne, en communication avec Mike. Et comme ça tu peux te caler un petit rencard avec lui. Enfin, un rencard. Non, à chaque fois je dis rencard, mais c'est pas ça. Tu sais que tout le monde n'est pas obligé de coucher pour essayer Audrey, hein. Mais qu'est-ce que ça va voir. Non, non, ça y est. Je dis ça, je dis rien. Tout ça parce que moi je suis une femme et que. Non, tout ça parce que t'as couché avec le boss. Non, ça. Non. On n'a pas de preuves. Vous êtes des machos, c'est parce que je suis une fille. Non, et que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de filles en radio. Donc dès qu'il y en a une, tout de suite on dit ouais, qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir. Voilà. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que quand nous on demande des trucs au boss, il dit toujours non. Ouais. Puis toi tu montes et quand tu redescends, mais t'as non, un peu les cheveux. C'est pas vrai. Ébouriffés, les yeux ouverts et avec toi ça marche. Ça s'appelle la manipulation. Et ça, désolé, mais il n'y a que les filles qui gèrent ce la truc. La manipulation ouais. del pantalon. Bon, Martin, tu raccroches pas, je vais te mettre en communication avec Mike, d'accord ? Je te fais des gros bisous et tu nous tiens au courant, hein, d'accord, comment ça s'est passé. Ça va. Bonne mère, oui. Comme on dit dans ces cas-là. Merci. Bisous, Martin. Salut, bisous, bisous. Et rassurez-vous, pour tous ceux qui ont envoyé job par SMS au 3044, on va filer toutes vos coordonnées à Mike, c'est promis. D'ailleurs, hey, si vous avez besoin d'aide, de quoi que ce soit, on le dit pas assez, mais sérieusement, on est là, hein, vraiment. On essaye de vous aider un maximum. Peu importe le problème, vous venez sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey sur Facebook et on essayera de vous aider. On va faire le son de Rehab là maintenant sur Fun Radio. Ariana Grande des poursuivre. Et juste après, on va sélectionner quelqu'un qui va repartir avec son Alcatel Pop 4. Si vous le voulez, vous envoyez Pop maintenant par SMS au 6322. Bonne chance. Tous les week-ends, 7h, 10h. Réveillez-vous avec Bruno dans la radio sur Fun Radio. Vous avez un téléphone, vous pouvez être piégé par Vacher. Bonjour, Speedy Bordeaux, t'as votre service ? Oui, je suis bien chez Speedy. Oui, c'est sur quoi pour le véhicule ? C'est une Audi. Oui, c'est mieux, il faut m'appeler avec l'immatriculation, monsieur. Ok, j'ai compris. Et à partir de là, je pourrais vous établir un devis pour l'entretien. Ah, stop ! Faut le dire en chantant, par contre, monsieur. Vous allez me faire... un devis. Le week-end, 7h-10h, c'est Bruno qui vous sort du lit sur Fun Radio. Profitez du coucher de soleil. Ah, le soleil. Ou d'un beau lever de soleil. Oh, le soleil. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Et vous, vous faites quoi ce week-end ? Nous, on est en vacances, alors on fait la fête ! Bah, je sais pas trop. On va zoner sur la place, avec les potes, puis on va peut-être aller à Maastricht. Faut voir, quoi. Alcool, drogue, fatigue au volant, le week-end, vous courez deux fois plus de risques d'avoir un accident mortel. Amusez-vous. Mais ne faites pas de ce week-end le dernier. Une route plus sûre, tous usagers, tous concernés. Une initiative de l'AWSR, l'Agence Wallonne pour la sécurité routière. Vous êtes en galère ? Plus de taf ? Plus de copines ? Peu importe le problème. L'Happy Hour avec Audrey vous donne un coup de pouce de 17h à 20h sur Fun Radio. Envoyez dès maintenant Fun par SMS au 3044 et on s'occupe du reste. Fire.

Si vous êtes célibataire, eh ben ça va vous intéresser. Calvin Harris, il arrive sur Fun Radio. Et en plus, monsieur, eh ben il est célibataire, le bonhomme. Eh ben ouais, ça y est. Il s'est fait larguer. Il s'est fait larguer par Taylor Swift. Le pauvre. Bon, enfin, le pauvre. Ok, une rupture, c'est jamais chouette. Il a mais... un cœur brisé. Oui, mais moi je peux recoller son cœur, morceau par morceau, s'il le faut. Ah, vraiment, Calvin Harris. Eh ben, du coup, parce que l'autre fois, Fab, il parlait des people. Ouais. Et c'est là que j'ai appris qu'il était célibataire, mais je voyais pas trop à quoi il ressemblait. Et enfin, et puis, t'as été voir. Où j'ai été voir. Et tu as vu DJ le mieux payé au monde. Non. Non, ça. Non, ça c'est pas bon. Ça, après, ça c'est... joue pas ça. Le fait qu'il soit ultra riche. Oh, non, ça c'est chiant. Après, ils sont exigeants, ils se permettent tout. Non, il vaut mieux. Mais ils te payent tout au moins. Ouais, non, mais ça c'est pas vrai. Souvent, les plus riches, c'est les plus radins. Je pense que si Sandro était une meuf, ce serait une petite salope. Ouais. Et comment tu sais ça, toi? Et c'est quand même bizarre parce que je balance, parce qu'il y a la copine de Sandro qui est venue nous faire un coucou, c'est la fin de la semaine. Et au moment où j'ai dit les plus riches sont les plus radins, elle m'a quand même regardé en faisant oui, c'est vrai. Oui, je suis riche et radine. Voilà. Oui, voilà. Non, je pense qu'elle parlait de toi. Quoi. Ah, merde. Voilà, donc bon, visiblement, voilà. On vient d'apprendre que Sandro était un gros radin, mais bon, voilà, c'est fait. Voilà, ça, c'est fait. Bon, on fait sonner chez quelqu'un maintenant qui va repartir avec son Alcatel Pop 4 d'une valeur de je ne sais plus combien, mais tout ce que je sais, c'est que c'est un beau téléphone. On s'en fout de la valeur, donne-le nous. Le plus important, de toute façon, c'est le plaisir d'offrir. C'est le cadeau qui compte. C'est le cadeau qui compte, ouais. Ce n'est pas la valeur du cadeau. C'est on, ça qui on est dit beau. Souvent le geste, c'est le geste qui compte, les enfants. Ouais, espèce de radin, ouais. Si ça décroche, c'est gagné. L'Alcatel Pop 4, c'est lui qui vient de sortir, le tout nouveau. On vous l'offre avant tout le monde. Mais pour ça, faut décrocher. Allez, les gars. Mais c'est déjà l'heure de l'apéro, en fait. Hein, donc. Bah, laisse tomber. Les gens ils mangent. Ça y est, de nouveau, en fait, j'ai l'impression que moi, le vendredi soir, tout le monde se barre. Genre, on a plus d'amis, en fait. La semaine dernière, on a fait quand même 15 répondeurs. Ah, bah voilà. Eh ben, magnifique. Bah, raccroche, Sandro. Bon. Alors, on va bien se mettre d'accord deux minutes. Si vous jouez, s'il vous plaît, si vous envoyez un petit message, si vous voulez repartir avec un cadeau, il faut juste décrocher. C'est tout ce que je vous demande en échange. Moi, je vous appelle, vous décrochez, à vous le cadeau. Comme bah, cet auditeur n'a pas décroché, c'est reparti. Vous avez encore une occasion de pouvoir vous inscrire. On refera un tirage au sort. Et bah, vous savez quoi ? On va écouter Calvin Harris là maintenant avec Rihanna. Je vous laisse le célibataire, le temps... là. Ouais, le célibataire, le beau gars de service. Je vous laisse le temps de vous inscrire pendant Calvin Harris et juste après, je tire quelqu'un au sort. Il faudra décrocher. Donc, si vous jouez, gardez bien votre téléphone près de vous. Vous envoyez maintenant pop par SMS au 6322. C'est parti. European. Découvrez le classement des plus gros tubes dance. Dans l'Eurodance 25. Sur Fun Radio. Chaque dimanche de 18h à 20h. Nico C vous mixe le classement des 25 tubes dance électro qui font bouger toute l'Europe. C'est Eurodance 25. Le classement européen de référence sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Bon, allez go, on prend celle-ci. Ah, très bon choix, monsieur. Quoi, t'es sûr? Mais y a même pas l'airco, on va crever de chaud. Mais non, attends. On la prend, mais vous nous faites cadeau du ventilo, là, sur votre bureau, ok? Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 30 juin, 4 ans garantie sur tous les véhicules de stock. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Proximus présente Full Control. Parce que même ceux qui pensent gérer à mort... Il fête son anniversaire dans un karaoké. Ouais, je te préviens, moi je chante pas. Hein. Ah bah moi non plus. Abuse parfois un peu. Si on pouvait s'aimer pour toujours. Alors Proximus lance un nouvel abonnement GSM, Full Control. C'est tous les avantages d'un abonnement, mais sans jamais dépasser ton budget. Info sur proximus.be/full control. Proximus, infiniment proche. Votre série inédite, ce soir à 21h45 sur Plug RTL, Salem. Je ne suis à Salem que depuis 2 semaines et j'ai déjà pendu 3 sorcières. Dans des temps reculés de la jeune Amérique, la chasse aux sorcières a commencé. La terre réclame le sang des innocents. Qu'attendez-vous de moi, mademoiselle Hale? De la justice pour tous les autres innocents que l'on pendra au nom de cette barbarie. Salem, ce soir à 21h45. Plug RTL. Un site d'offres d'emploi traditionnel, c'est que vous êtes un homme. Que vous recherchez un emploi fixe en tant que ingénieur autour de Charleroi. Notre consultante de Randstad en sait beaucoup plus. Alors, Stéphane, il aime travailler en équipe. Dans son boulot, c'est un as. Il accorde une grande importance aux formations et il se rend de préférence au bureau à vélo. Derrière notre moteur de recherche rigoureux se trouvent des consultants Randstad sérieux. Prenez rendez-vous pour un entretien personnel. Jetez un coup d'œil sur randstad.be. Randstad, good to know you. Fun Radio.

is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Ça va vous booster là ce qui arrive parce que c'est Boosty que je vous ai qu'à l'écouter sans être avec Phil Alone sur Fun Radio. Hey, franchement, j'ai hésité pendant longtemps à la faire. Apparemment, pas assez longtemps. Bah quoi, Boosty, ça passe. C'est trop drôle, attends, laisse-moi m'en remettre. Hey, d'ailleurs, Boosty est venu dans l'émission, allez voir sur funradio.be. Il y a les vidéos de son passage, il y a les photos, tout ça. C'était juste la grosse éclate, ce mec est un amour. Bon, juste avant de se faire l'horoscope, le tic-tac-boom, tout ça qui arrive dans l'émission, on va faire sonner maintenant. Chez quelqu'un qui va repartir avec son Alcatel Pop 4, on a essayé juste avant, ça n'a pas décroché, du coup on va voir si cette fois-ci on a plus de chance. Bon, disons que là tout le monde est parti en apéro, on a bien compris, mais il faut décrocher. Sur un malentendu, si vous êtes sur la route, si vous êtes à l'écoute de l'émission, eh ben vous allez être récompensé ce soir. Si vous décrochez, vous allez repartir avec le tout nouveau téléphone de chez Alcatel, en mode avant tout le monde, hein, genre ça y est, on est les premiers sur le coup. Ah. Allô, bonjour. Ah. Oui, bonjour. Comment tu t'appelles? Marisa. Marina. Non, c'est Marissa. Non, c'est Marisa avec ah, ça marche pas. C'est pas grave. Marissa, tu viens d'où? De Villevorde. De Villevorde. Paraît-il, on m'a dit ça. Oui. Que t'avais envoyé un message pour repartir avec ton Alcatel Pop 4. Oui, c'est bien juste. Eh ben, Marisa, c'est gagné. Ouais, merci. Ouais. Merci beaucoup. Et voilà. Tu vois, t'as été récompensé de rester à l'écoute l'émotion. De l'émission. Eh bah, tu m'étonnes. C'est pas tous les jours qu'on gagne un téléphone. Félicitations, Marisa. Non, c'est sûr, hein. Tu raccroches merci pas beaucoup. Comme merci ça, beaucoup. On va prendre tes coordonnées hors antenne et on t'envoie très vite ton Alcatel Pop 4 chez toi, d'accord? Ok. Gros bisous, Marisa. Bonne soirée à toi. On va sur le son de Boosty maintenant, comme promis, avec Phil Alone. Écoutez-moi ça, c'est un tueur, le gars. Franchement, sérieux, j'ai même vu qu'il y avait des journalistes qui disaient que c'était genre la star de demain. Et voilà. Et donc, bah, nous, ici sur Fun Radio, on a décidé de le supporter et de faire en sorte de le passer un maximum sur Fun Radio. Ouais. Boosty qui arrive côté son dance floor, on sera aussi Dimitri Vegas et Like Mike, on aura le tic-tac-boom aussi. Mais d'abord, Boosty. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines, coquines, mais je fais que teaser. Hein. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. Je tape dans les canettes vides, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Hein, franchement, faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé, j'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Hein, non, j'ai pas une vie droit, mais pourtant mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. Jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casques, les jeunes ne seraient plus jamais seuls. Tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul. Même si nos vies sont casques. Radio, si vous venez de vous brancher, il est 19h, l'heure de s'informer maintenant avec Carlo Morillo. Salut Carlo. Salut Audrey, salut à tous. C'est donc officiel, les Britanniques ont voté à près de 52% en faveur de la sortie de leur pays de l'Union Européenne. Un Brexit auquel pas grand monde sans doute ne s'attendait vraiment. On se disait qu'une fois devant l'urne, les gens allaient faire preuve de bon sens et hésiter avant de plonger leur pays, l'Europe et le monde dans l'inconnu. Ah ben non, la perfide Albion, pour reprendre une vieille expression anglophobe, a donc décidé de faire cavalier seul. Certains diront que les Britanniques ne s'étaient de toute façon jamais sentis très proches du reste de l'Europe et que leur cœur battait plutôt du côté des États-Unis. Les States qui, entre parenthèses, viennent de perdre leur meilleur allié dans l'Union. Certains diront que ça, par contre, c'est peut-être pas une mauvaise chose, et notamment les opposants au fameux TTIP, le traité de libre-échange qui est en train d'être négocié entre l'Europe et les USA. Sans l'appui des Britanniques, les Américains risquent d'avoir plus de mal à faire triompher leur vue. On en reparlera. Par contre, très bientôt, on ne reparlera plus de David Cameron sur la scène politique, en tout cas, parce qu'après la gifle qui vient de se prendre, le Premier ministre britannique va devoir se reconvertir. En tout cas, à l'automne, il ne logera plus au 10 Downing Street, ça c'est certain. Pour ce qui est des conséquences du Brexit, il est sans doute difficile de toutes les imaginer, mais certains économistes estiment qu'elles seront pires que celles de la crise financière de 2008. S'ils ont raison, c'est vraiment la cata. Aujourd'hui, en tout cas sur les marchés boursiers, ça se passe très mal, surtout pour les valeurs bancaires qui dévissent fortement, déjà qu'elles ne se portaient pas à merveille. Pour ne prendre qu'un seul exemple, chez nous, ING a perdu plus de 15% ce vendredi. Autre conséquence possible du séisme d'hier, mais politique, celle-là, le Royaume-Uni pourrait à terme se désintégrer, vu que les Nord-Irlandais et surtout les Écossais ont majoritairement voté en faveur du maintien dans l'Union Européenne. Il va donc être question de référendum, une fois encore, mais cette fois pour ou contre la sortie du Royaume-Uni. Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, en tout cas déclaré qu'elle voyait sa région au sein de l'Union Européenne. Les mois qui viennent s'annoncent plutôt tourmentés. Sinon, dans l'actu de ce vendredi, nous avons une nouvelle grève générale à l'appel du syndicat socialiste. Je n'y reviendrai plus ici. Les orages d'hier, qui auront une nouvelle fois fait de gros dégâts, même que cette fois, Bruxelles n'a vraiment pas été épargnée. J'en parlais à 18h. Et puis, à propos de catastrophes naturelles, sachez qu'en Chine, une tornade et des pluies torrentielles ont fait près de 100 morts, détruisant des villages entiers. Les médias évoquent la pire tornade ayant frappé le pays en un demi-siècle. Comme quoi, la météo est vraiment pourrie partout. Un tout petit mot de football pour terminer avec les premiers huitièmes de finale de l'Euro 2016 demain. Là, ça va devenir vraiment passionnant, vu qu'on va donc aborder la phase des matchs couperets avec élimination directe. Au programme de ce samedi, Suisse-Pologne, Pays de Galles-Irlande du Nord, il y aura donc du Brexit dans l'air, et Croatie-Portugal. Pas besoin de rappeler, j'imagine, que la Belgique jouera contre la Hongrie dimanche à 21h. Fun. Fun Radio. Gym Tonic. Et 1, 2 et 3. Ou Gin Tonic. Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Dans un instant, on va sortir le son de Dimitri Vegas avec Like Mike. Là, c'est Arcade qui arrive, ce sera juste après la météo. Une vingtaine de degrés ce week-end, pas plus. Demain, un temps relativement agréable. Retour des nuages et de quelques averses dès dimanche. Voilà, tous un excellent week-end. Je vous retrouve lundi à midi et vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Dimitri Vegas et Like Mike. Salut. Bonne radio. Bonne radio. Trouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. La Vie Hour, 17h-20h sur Fun Radio. La suite du son des fleurs, c'est avec la jolie Raïs Trefix, ça se passe sur Fun Radio. Bam bam, c'est ce que je vous ai calé. Il y aura aussi Lilywood and the Pricks dans un instant, ça arrivera juste après l'horoscope sur Fun Radio. L'horoscope sur Fun Radio. Ok, ok, c'est comme ça que vous la jouez, vous foutez de ma gueule parce que j'ai pas bien dit Lilywood and the Pricks. Ok, vous faites les malins, vas-y Sandro, dis Lilywood and the Pricks. Non mais tu l'as dit tellement vite, bah, Lilywood and the Pricks. Vas-y, fais-le. Lilywood and the Pricks. Non. Comment tu dis? Bah Lilywood and the Pricks. Il est où le S? Bah je l'invente. Voilà. Lilywood and the Pricks. Lilywood and the Pricks. Eh bonjour tout le monde, c'est Lilywood and the Pricks. C'est Lilywood and the Pricks, c'est la même chose, mais c'est l'imitation. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon, c'est ce qui arrive là dans un instant côté son dance floor. Avant ça, on se fait l'horoscope. On va vous dire si il serait peut-être quand même pas temps de faire une petite coupe là, parce que les cheveux c'est plus possible. Il va falloir faire quelque chose. Les béliers. Votre coupe de cheveux est tellement moche que même Félanie se moque de vous. Oh punaise, la coupe de cheveux qu'il a fait, sérieux, elle est horrible. Pourquoi? On dirait de la poussière en fait. Mais non, c'est à la gueule de la poussière, c'est de la pub Swiffer. Mais ouais. Quand tu passes avec le truc, on dirait que c'est ça que le balai, c'est les cheveux de Félanie que le balai ramasse. On dirait genre il y a quelqu'un qui a fait les poussières avec, ça ressemble à rien du tout. Les taureaux. Si vous n'avez pas chez le coiffeur pour une coupe, par pitié, allez au moins pour vous les faire laver. Oh merde, les gémeaux. Vos cheveux sont tellement gras qu'on pourrait cuire des frites dedans. Cancer. Vous, chez le coiffeur, mais monsieur, pour aller chez le coiffeur, on vous rappelle qu'il faut des cheveux déjà. Ah bah c'est mieux, ouais. Elle est lion. Vos cheveux sont un peu comme un zoo, quand on passe ses doigts dedans, on retrouve plein de petites bêtes. Balance. Vous mettez tellement de lac dans vos cheveux que de loin on dirait un Playmobil. Scorpion. Le pire c'est que vous allez chez le coiffeur, vous y passez 2 heures et quand vous sortez, bon, on dirait que vous venez de vous lever. Sagittaire. Vos cheveux sont tellement frisés qu'un coiffeur vous servirait plus à rien. Allez directement chez le toiletteur. Et Capricorne. Votre dernière coupe de cheveux, la même que Prince, mais après son enterrement. Ah bah classe, merci pour lui, big up à lui, hein. Verseau. Les poux que vous aviez sur la tête se sont barrés, vos cheveux étaient beaucoup trop sales. Et enfin les poissons. Vos cheveux sont tellement secs que chaque année, des cigognes viennent faire leur nid sur votre tête. Oh, t'imagines, ça serait cool quand même ça. Ah, ça serait horrible. C'est trop mignon. Ouais, c'est trop mon rêve. Je veux ça. Non, oui. Je veux te voir avec une cigogne sur la tête. Non, ça va pas le faire. Non, ça va pas être possible. Bon, allez, on va se faire le son des Raïs Trefi là maintenant sur Fun Radio. Et juste après, c'est quoi qui arrive, les garçons? Lilywood and the Prick. Lilywood and the Prick. Voilà, ça arrive côté son dance floor dans quelques petites minutes. On va se faire aussi les infos people avec Fab. Il est au taquet. Il y aura aussi le tic-tac boom juste après. Si vous voulez venir jouer avec nous, bah, c'est simple. Il y a du cadeau Fun Radio à choper. Il faut juste envoyer tic par SMS au 3044, on vous attend. Bun bun, Evanescence buns bun, dun dun. Bet you wanna taste it, bun bun. Bet you wanna taste it, get it chitty dun dun dun. Bun bun, Evanescence buns bun, dun dun. Bet you wanna taste it, bun bun. Bet you wanna taste it, get it chitty dun dun dun. King of the ta kish. Vom drugu që më më kërë prish e prish. Kjo mund si jo më ane. Se kur ftof një her, jo më nuk e ndzej. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. C'est ce que je vous ai calé là pour se mettre dans l'ambiance du week-end sur Fun Radio. À partir de 20h, je vous rappelle que c'est Party Fun hein, avec tous les plus grands DJ de Fun Radio qui seront de la partie. On va se faire aussi le son de Willy William, c'est le tout nouveau avec Chris Cab. Paris, ça arrivera dans quelques petites minutes, mais d'abord on va se faire le tic-tac boom. Attention ladies and gentlemen, puisque à l'heure d'aujourd'hui, eh bien c'est vrai, Fab est toujours en tête. Arrêtez-vous me gêner, c'est ça. Mais Fab à 9 points. Ouais. Sandro est revenu à la charge. Sandro a rattrapé son retard. Sandro est désormais à 7 points. Je suis un peu comme un bourriquet. Tu vois, le bourriquet qui traîne la patte. Comme dans. Suis... Comment il s'appelait encore ? Mickey l'ourson ? Ouais, c'est ça. On n'a pas les mêmes références, mais c'est pas grave. Il y a un âne dans Shrek aussi. Ouais, mais c'est pas un bourriquet. Mais non, c'est pas un bourriquet, mais ça va aller. C'est quoi la différence entre un âne et un bourriquet, s'il vous plaît, les spécialistes ? Alors. Mais en fait, un bourriquet, c'est un gars qui traîne la patte et. Non. No. Un bourriquet, c'est un âne. Hein. Oui, mais je dis un gars, enfin, on est ouais, potes. Ouais, mais c'est un genre d'âne. Je crois que c'est, oui, c'est un, ça. Un bourriquet, c'est un âne qui est pas content. C'est... Ah, non, mais il doit y avoir une différence. Kéké du standard, cherche. Voilà, c'est, cherche la différence entre un bourriquet ou un âne. Ou peut-être que vous, vous la connaissez la différence. Dites-nous au 3044, parce qu'alors là, au niveau des animaux, on est des clinches. Hein. Bon, on a deux auditeurs qui sont là, qui vont jouer au tic-tac boom. On a d'un côté Gloria, 14 ans, qui vient de Monceau-sur-Sambre. Salut Gloria. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Moi, quelle belle petite voix, Gloria. Bon, Gloria, tu vas faire équipe avec Fab. Voilà, j'ai décidé. Ah bah tiens, bah pourquoi? Non alors je balance Fab qui me fait un fuck. Pourquoi tu fais un fuck? Non, bah pourquoi je fais un fuck? Non parce que d'habitude tu laisses toujours choisir. Non mais là justement, bah là, impose. Là c'est fini, j'impose moi, c'est terminé maintenant. Je prends les rênes. Ce qui est dégueulasse c'est que vous faites tout pour essayer de me faire perdre. Mais tu sais quoi Gloria, à deux on va gagner. Mais moi à deux, je suis sûre on va que... les exploser. Je suis certaine que même Gloria qui a 14 ans va peut-être faire mieux. Kiman qui vient de Meltem, 24 ans, salut Iman, ça va? Bonjour, bonjour. Ah mais c'est une jeune fille, mais je pensais que c'était un garçon, mais rien à voir. Non, c'est Iman avec un E, je pense. Iman, un garçon, non, c'est un prénom féminin. Ah pardon, excusez-moi, je m'excuse, hein. ça va Iman, ça se passe la soirée? Oui, ça va, merci. Bon, Iman, t'as la pression là, parce que t'es opposée à une jeune fille de 14 ans. Si tu fais pas mieux, franchement, c'est la loose. Hein. Et en plus, je suis nulle dans ces jeux-là. Super, c'est t'inquiète bon. Pas, Sandro est fort. Parce que je répète, Iman, commence pas à trouver des excuses, tout ça, je te vois venir. Attention, ça marchera pas. Bon, Iman, tu fais équipe avec Sandro, du coup. Qui veut commencer les filles? Iman ou Gloria? Je peux commencer. Iman, d'accord, Iman est courageuse, c'est très bien. Alors attention, Iman, on y va, tu es dans l'équipe de Sandro. Sandro va essayer de te faire deviner un maximum de mots. Et si tu y arrives, tu repars avec ton pack fun. Attention, 3, 2, 1, c'est parti, Iman. Quand on est énervé, ça signifie quelque chose. Pardon? Quand on est énervé, il y a une définition du mot. Ah, j'ai pas entendu. Quand t'es énervé. Oui. Voilà, il y a un mot qui définit ça. C'est des merdes. De quoi? Je dis merde. Je... Non, non, le mot qui définit ça. Mais quand t'es énervé. Tu comprends pas ce que... La colère. Oui, la colère. Ah oh, non, mais ça fait zéro point. N'importe quoi. J'avoue, c'est raison, Iman, que Sandro, sur ce coup-là, il a pas été super bon. Hein. Bah, vas-y, dis-moi, comment tu définis la colère? Je dis merde, c'est la même chose que les toilettes. Ouais, mais non, mais quand même, ça marche pas. Iman, bien essayé. Mais comment on aurait pu faire deviner la colère? Ouais, c'est ça. Et ben, genre. Moi, je vais pas vous donner mes trucs, mais je sais comment j'aurais fait. Bah, vas-y, fais-le. Vas-y, dis-le. Ok, quand Hulk, il devient tout vert, c'est parce qu'il est 13 ans. Bon. Ouais, mais non, mais ça c'est. Non, mais... Donne le mot direct ouais, alors. Allez, c'est ça quoi. Allez, donne-moi la liste. Allez. Bah, Iman et Sandro, ça fait 0 points. Bah, du coup, on l'avait dit, mais peut-être bien Gloria, elle va faire mieux. Gloria qui est dans l'équipe de Fab, tu te sens prête, Gloria? Oui. On y va. On va les éclater, Gloria. 2, 1, c'est parti. Ok, bon, je porte une barbe, mais en dessous de mon nez, il y a une. Moustache. Voilà, il faut manger 5 fruits et. Légumes. Les avions, ils décollent d'un. Pardon? Les avions décollent d'un. De l'aéroport. Quand t'es malade, tu vas chercher des médicaments à la. Pharmacie. Quand tu es allergique à cause des trucs du plant, tu es allergique au. Pollen. Dans les GPS, il y a une. J'ai pas compris. Dans les GPS, il y a une. Ah, bon, c'est pas grave, on a fait 5. Ça c'est fait bien. 5 points pour l'équipe de Fab et de Gloria, c'est gagné! Ouais! Bravo, Gloria! Merci. C'est quand même un coup de chance, hein. Je dis ça, non, je dis rien. Vous voyez tous vos trucs pour me faire perdre là. Vous avez dit, hey, Gloria, 14 ans, on va la refiler à Fab. Eh ben, ça c'est la Benjamin, t'imagines, de l'épreuve qui remporte le pack fun. Bravo, ma Gloria. Merci. Bah, de rien, tu raccroches pas, on va te filer ton pack fun, on prend tes coordonnées, tout ça, d'accord? Ça va. Salut Gloria. Et bah, du coup, salut. Iman, tu repars avec ton autocollant fun radio, ça te fait plaisir? La pauvre. Elle est déjà partie. Elle a déjà mais ouais, tu l'as saoulé. Iman, je te file ton autocollant fun radio, d'accord? Ok, merci, mais c'est pas de ma faute. Hein. Non, il faut pas lui en vouloir, la pauvre, elle est jamais en colère. Je suis bien d'accord avec toi, c'est Sandro qui a été mauvais sur ce coup-là. Iman, t'as fait tout ce que t'as pu, je te file ton autocollant Fun Radio. Et tu reviens quand tu veux, ma chérie. Merci à toutes les deux. On va sur le son maintenant de Martin Garrix sur Fun Radio. Il y a aussi Willy William, le tout nouveau avec Paris, c'est featuring Chris Cab. Et juste après, c'est les People qui débarquent sur Fun. Le week-end, tous les DJs sont sur Fun Radio. Faites la teuf tous les week-ends avec l'émission Dance numéro 1 en Belgique, Party Fun. Party Fun. Tous les vendredis et samedis soirs, c'est Party Fun dès 20h. Avec Oli sur Fun Radio. Fun Radio. Les plus grands DJ de la planète mixent pour vous jusqu'à 5h du matin. Avec Hardwell, Joachim Garraud, Oumet Toscan, Bob Sinclair, Nicky Romero. Les plus grands DJ mixent tous dans Party Fun sur Fun Radio. Le son Dance Floor. De Vos. Où est Lemons? Où les packs demain, on a un grand barbecue, hein? Et alors? Ah bah, il faut pas se coucher trop tard. Pourquoi? Parce que si on veut être en forme, faut qu'on aille au lit. Oui! L'aille au lit qui donne du goût à l'été. La voilà! De Vos Lemons. À table!

Fab, tu es un peu notre people à nous, tu sais. Oui, je sais. Oh, il t'arrive tellement de trucs dans ta life, sérieusement. T'aurais pu être une superstar des États-Unis d'Amérique. C'est pas encore fini, je peux toujours le faire. Waouh, tu nous surprendras toujours. J'essaye, et ça, c'est beau, c'est magnifique. C'est tellement beau. Essaye de nous surprendre avec tes infos là. T'as des trucs croustillants, intéressants. Ouais, il arrive un truc, un mec qui aurait pu m'arriver à moi en fait. Le gars, il s'est fait griller, occupé à fixer une meuf. Alors il a pas fixé n'importe quelle meuf. Comment ça, genre il matait juste une fille? Il matait, mais genre il a fixé droit dans les yeux, tu vois. Il bougeait pas la tête, il devant était là. Devant sa copine? À côté de son mec. Hein? De son mec? De son mec à elle, quoi. Attends, oula, je comprends plus rien. Je t'explique. Vas-y. Il y a un mec qui matait une meuf. Ouais. Et le mec de cette meuf était à côté. Ok. D'accord. Cette meuf, c'est juste Beyoncé. Hein? C'était à la finale du match de basket entre Cleveland et les Warriors. Et le gars a vu que Beyoncé était assise juste à côté de lui. Et le mec, il a pas arrêté de la fixer. Sauf que Beyoncé l'a grillé. Bah, Beyoncé l'a grillé. Lui a d'abord jeté un regard super froid. Genre, tu sais, comme elle sait faire. Ah ouais? C'est moi que tu regardes, mais non. Le mec un peu mal à l'aise, genre se gratte l'oreille, pardon, je suis désolé, machin truc. Et puis Beyoncé a trouvé le truc tellement amusant qu'elle s'est dit, ok, tu sais quoi, on va faire une photo. Ils ont fait une photo tous les deux en disant, voilà, qui regarde qui, mais non, oui, c'est Beyoncé qui le regarde à lui. Oh. Et la photo a fait le tour du net déjà, et ça fait un gros buzz en ce moment. Et c'est super drôle parce qu'elle a bien réagi, et c'est cool quoi. Oh, le gars, c'est juste un fan en disant, j'étais fan, je vous ai vu. Bah, allez, on fait une photo. Oh, on va vous mettre cool, t'as la photo? Bien sûr. On va vous mettre la photo sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. C'est beau l'amour. J'allais dire, c'est une connasse si elle a fait ça, mais ça va, ça se termine bien. C'est super gentil. Elle a été super sympa. T'as d'autres infos? Ah oui. On parlait tout à l'heure de la vénalité des femmes quand vous êtes intéressé par l'argent. Ah, si Sandro était une femme, ce serait. Ce qui est totalement faux, mais bon. Non, pardon. Vous aimez les muscles aussi. Bon, c'est il pas doit vrai. Être la gentillesse. Mais ça, doit... arrêtez de croire que nous, les filles. Je sais pas si c'est votre cas de l'autre côté de la radio, les filles, mais on n'est pas forcément attiré par des mecs méga musclés. Genre un petit bidou, tout ce qu'il y a de plus petit. Mais juste pas pour trop poser gros, ses bidou, oreilles. Comme si, pendant juste poser ses oreilles. Un petit DVD. Non, mais parce que c'est très technique. Parce que les gars qui ont des abdos, c'est très désagréable quand tu dois te coucher sur eux. Parce que du coup, c'est pas très moelleux, quoi, tu vois. Quand tu veux mater un film. T'as cru qu'on était un coussin ou comment ça se passe? Un petit oreiller tout dodu. Dans ton canapé, t'as pas de coussin? Bah si, mais. Ça coûtait trop cher. C'est quand même plus mignon quand tu couches ta tête sur ton même que sur un coussin quoi. Bah notamment on est condamné à en fait on regarde un film on doit se chercher avec une tête sur l'estomac. Bah ouais. On doit dormir on doit se chercher avec des cheveux dans la figure parce qu'elle va dormir en cuillère parce qu'on aime bien dans tes bras et on n'a pas de place. Arrêtez mais vous plaindre. Êtes exigeante, on n'est pas des objets, mais on si. Est des hommes, on a un cœur qui bat à l'intérieur. Oh, révolution. Ouais. C'est parti, n'importe quoi franchement les mecs. Bon et alors quoi tout ça mais pour ça. Ouais, parce que je voulais dire que voilà maintenant Lindsay Lohan elle est plus célibataire. Ah bah, oui, voilà, non, elle non, est mais... casée. Bah oui, j'ai vu, elle a un énorme. Elle est avec un milliardaire là, non, je sais pas. Un milliardaire russe de moins de 30 ans. C'est déjà, genre, comment tu peux être milliardaire en moins de 30 ans? Faudra qu'on m'explique. C'est un riche héritier en fait, en Russie. Ah ouais, c'est ça. Okay. Ah bah écoute, puisque tu connais mieux l'info que moi, vas-y. Non, vas-y, mais c'est bon, c'est ma rubrique, mais madame veut le faire. Okay. Non, mais... Alors, c'est un riche héritier en Russie, je t'écoute, vas-y. Comment il est non, riche, non, moi je vais boire un petit verre, là, je t'écoute, vas-y. Non, mais attends, rien à voir, j'ai juste lu ça tout à l'heure dans mon magazine. Ouais, dans mon magazine sur les toilettes. Et bah c'était vraiment ça en plus, c'était une chiotte. Je passais le temps et du coup j'ai regardé mon magazine et il y avait cette info avec Lindsay Lohan qui maintenant n'est plus célibataire. Elle est avec un héritier qui vient de Russie et il lui a offert une énorme bagouze. Justement sur la photo on voit une bague. Une bagouze, je connaissais pas. D'accord. Il lui a offert Pourquoi j'ai pas la photo de la bague. Heureusement qu'Audrey reprend la chronique parce que sinon on aurait que la début de l'info. En fait, c'est juste parce qu'il a offert une bague que t'as tiqué. Non, mais s'il avait pas offert de bague, pourquoi quand je cherche la bague on me met des trucs de Zalando? Mais parce que tu c'est mauvais. Elle avait une bague au doigt et c'est ça qui a interpellé les paparazzis parce que ce serait apparemment une bague de fiançailles. D'accord. Voilà. Et c'est pas une bague 18 carats, c'est une bague 18 kilos. Yalla. Je te jure, c'était un énorme caillou bleu marine, quoi. Ça doit valoir une de ses thunes. Donc voilà, apparemment, elle a touché le gros lot, la mademoiselle. Ah, ça, donc, tu m'étonnes. On verra si ça va durer parce qu'elle est quand même un petit peu chelou, celle-là aussi. Hein. Bon, on va se faire le son de Mike Posner maintenant sur Fun Radio. Avec tout copil, il est bizarre. Et ça, des piles, elle en a pris beaucoup, hein, Lindsay Lohan. Hein. On va se faire aussi le son de sac Noël avec Sean Paul et on a toujours du cadeau à vous filer, un Alcatel Pop 4. Yeah. Ouais, le tout nouveau de chez Alcatel, celui qui vient juste après le Pop 3. Évidemment. Et avant le Pop. Le Pop 2. Avant magnifique. Voilà, pop. Laissez tomber, envoyez Pop par SMS au 6322 et moi je vous le file. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. Reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad songs, sad songs. Darling, oh, I know sad songs, sad songs. Vous le kiffez celui-là, Sac Noël avec Sean Paul, Trumpet sur Fun Radio. C'est ce qui arrive dans quelques petites minutes. Il y aura aussi le son de Faze featuring Afrojack. On va se faire aussi le son de Unique. Mais juste avant, je vous rappelle qu'on a un Alcatel Pop 4 à vous filer. Le tout nouveau téléphone de chez Alcatel. Si vous le voulez, je vous laisse une dernière chance de vous inscrire. Vous envoyez Pop par SMS au 6322. Et à partir de 20h, les gars, c'est parti fun. Hein. Ça y est, c'est parti. Donc, si vous êtes en mode fiesta, bah, restez bien là. Parce qu'à partir de 20h, il y a Oli qui prend le contrôle de Fun Radio avec tous les plus grands DJ qui seront de la partie. Oui. Oui. Tout à fait, et il fait ça très bien. Mais t'es malade, qu'est-ce que t'as? Quoi? Bah, j'ai pas, je sens qu'il se trame quelque chose dans ce studio. Vous êtes en train de monter un coup, monter contre mais moi. Mais non, moi tu dis party fun et je suis en mode avec mes mains. Je fais... Ah, c'est ça? Ah oui, mais attends, qu'il est con. Oh là là, il sert à rien. Non, non, je faisais la musique. Ah, tu ça, faisais tu le put your hands up in the air. Hands up in the air. Non, mais parce que des fois, vous savez, c'est parce que vous voyez pas, parce que vous êtes de l'autre côté de la radio. Mais quand ils ont un truc à dire vraiment très intéressant, genre ok, Audrey, ferme ta gueule, bah il lève la main. Et donc là, je croyais que t'avais un truc. Non, moi je suis en mode party fun là. Le gars, je dis à party fun qui arrive, il me dit oui. Ok, merci. Non, mais c'est bien. Il confirme en fait. Ouais, heureusement que Fab t'es là quand même. Hein. Bon, allez, c'est bon, ça sac Noël avec Sean Paul, les petites trompettes. Il y a les singes qui sont de la partie. À partir de 20h, on va se mettre dans l'ambiance. D'ailleurs, si vous êtes de sortir, restez bien là. Genre, party fun, c'est quand même l'émission, genre nickel quand t'es dans ta douche en train de te. Tu vois, tu prépares. Bah, tu es genre en mode boîte. Tu te mets, t'écoutes la jolie voix de Oli, tu vois. Les plus grands DJ de Fun Radio. Ça, par contre. Ouais, Oli dans ma douche. On ne veut pas savoir ce que tu fais dans ta douche. Allez, on fait de la place à Sean Paul parce qu'il prend de la place quand même. Allez, hop. C'est la gala with the big tic-tac. She fait gimme the. Head to the floor, gal, gimme the. Bend over, girl, and gimme the. Spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the. Top wine, girl, and gimme the. Body look fine, girl, gimme the. Coming out, waste some time, girl. Good girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body. Serious thing it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Calling two friend and then double, double. Girl so hot she a bubbly, bubbly. And she know when she got she a carry me remedy. Body look good girl you ever be winning it. Turn it up right girl you never be dimming it. Take up your body cause you're in your element. Pony body me take up a permanent president. Trumpets blow. Aller jusque là, on va se faire le son de Face avec Afrojack. C'est Hey qui arrive sur Fun Radio. Il y aura aussi Unique ou Unique ou Unique. Voilà. Enfin c'est Merci qui arrive. Voilà, ça c'est un nouveau son qu'on vous a fait découvrir en total exclu sur Fun Radio. Juste avant de vous quitter et de vous laisser dans les mains expertes d'Oli, on va faire sonner chez quelqu'un qui a envoyé Pop par SMS au 6322 et qui du coup va repartir avec quoi? Son Pop 4. Pop 4. Ouais, mais c'est qui suivent en plus, ça c'est beau ça. Et bah pourtant je me suis dit c'est la fin de la semaine, ils vont faire que des conneries. Mais oh, non, jusqu'à la dernière ils sont seconde. Là, ils sont en forme les minous. Bon, on va voir si on va clôturer l'émission sur une bonne touche. Non, j'allais dire une bonne touche, c'est bizarre. Ah non, il est tactile. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour. Salut. C'est qui? À ton avis? J'en ai aucune idée. Bah, on s'est vu hier. Ah bon? Bah, attends, tu te souviens pas? Bah, je vois tellement de filles que j'arrive même plus à les compter. Bah, je t'ai donné mon numéro hier. Ah mais tu étais sûrement pas la seule, hein. Pardon? Attends, mais moi tu m'as dit que j'avais des yeux de ouf et tout, que je devais te rappeler, qu'on allait se voir et je t'appelle, tu me dis ça? Tu te fous de ma gueule en fait. C'est une vanne. Franchement, je vois pas trop. C'est une vanne. Fais gaffe, il raccroche pas quand même. C'est une vanne. Non mais sérieusement, hier soir, on a passé une nuit de fou. Non, je m'en rappelle plus, j'ai En fait, ça c'est toute l'histoire de ma vie, quoi, tu vois. Genre même quand j'essaye de faire semblant, l'auditeur, il te zappe en fait. Merci, au revoir. Bon alors, à ton avis, c'est qui? T'as joué? Tu voulais repartir avec un téléphone? Ah oui, oui. Voilà, c'est Audrey. Ah, fais-moi le malin. Et donc comme ça, tu vois tellement de filles que tu sais plus qui c'est. C'est pour ça qu'il lui faut un autre téléphone. Ah, tu veux un autre téléphone pour cacher un autre numéro, c'est ça? Coquinou. Ça pas mal. Je te félicite pas, mais bon quand même, c'est gagné. Ouais. Bravo. Et avec tout ça, je t'ai pas demandé ton prénom, c'est genre. Moi c'est Antoine. Antoine, eh ben félicitations mon Antoine. Même si tu n'es pas très très fidèle visiblement, tu repars quand même avec ton téléphone, Antoine. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux dans la Happy Hour, d'accord? Merci. Je te fais des gros bisous, Antoine. Bisous, bisous. Ah ben voilà, on a clôturé. Il y a plus de téléphone, il y a plus rien, il y a nada, il y a que dalle quoi. C'est fini. Vous allez faire quoi ce soir les garçons? Bon, moi je vais me faire péter la panse. Oh ça y est, je vais manger faire un petit resto thaï les gars. Oh là là, ça y est. Et quoi, tu nous invites même pas, rien que dalle nada. Non, par contre, je vais bouffer vos portions. Ah, bah ça fait plaisir, merci. Ça se voit d'ailleurs, merci. Sandro, tu vas faire quoi? Je vais faire un peu la fête. Ah ouais? Ouais. Comme ça, toi? Je suis comme ça, moi. T'es casé maintenant, c'est ta weekend. Copine est là, attention, elle est à côté. Hein. Ouais, je sais. Et alors? Bah, tu vas faire la fête avec elle. Ouais, c'est ça, on va faire sa fête. Et ça, c'est beau. Le kéké du standard, il va faire quoi? Bon, un petit ciné comme tous les week-ends. Oh là là, le papy. C'est n'importe quoi, c'est bon ainsi. Et toi, Audrey, du coup? Ben moi, j'ai pas d'amis. Lave tes cheveux? Non! Mais ils sont lavés, tu rigoles ou quoi?

surtout ces beaux par-là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles, ce qui se cache sous mes talons aiguilles. Et je m'envole, non personne ne m'impressionne. Même si ton regard me déshabille, même si tu sais viser dans le milieu. Parler, parler, t'as beau parler, parler, je vois les gestes, pas les mots pour me faire rêver, rêver. Mets de côté ton ego, essaie de voir sous ma peau. Cette fois, je t'emmènerai dans mon monde, dans ma lumière, dans ton monde. Si tu sais marcher dans mes pas. Comment sommes-nous arrivés jusqu'ici? Les êtres humains éprouvent un désir incommensurable de découvrir. Parti feu. Party Fun. Les meilleurs DJ mix pour vous en exclusivité. Welcome. Party Fun sur Fun Radio. Allez, bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Fun Radio, c'est Oli, j'espère que tout va bien pour vous. On démarre maintenant le week-end ensemble avec Party Fun et les meilleurs sons dancefloor. Et puis les plus grands DJ qui prennent le contrôle toute la nuit, hein, jusqu'à 5h du mat. Il y aura tout à l'heure au platine Robin Schulz, dès minuit les résidents. À 1h du mat, il y aura Oliver Eldance. Et puis toute la nuit, les meilleurs remix, c'est ici que vous allez les choper. On va commencer très fort avec Michael Canitro.